وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 104 dans l'explication du livre التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. C'est le livre à la base qui est اقتضاء الصراط المستقيم, écrit par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan hafizahullah ta'ala. On est arrivé donc maintenant, on continue dans l'explication des preuves de l'interdiction d'imiter les kuffars, les juifs et les chrétiens, et les autres mushrikins de façon générale. Et le cheikh, il a mentionné, comme je dis, au début du livre, on expliquait les preuves du Coran, les preuves de la Sunna. Après, il a mentionné les preuves de l'ijma, hein, les paroles des sahaba, parmi les khulafa ar-rashidin en premier, après les paroles des sahaba, et il a prouvé que aucun d'entre eux ne les a jamais contredits dans ce point là, dans ce principe là, donc que ça fait partie du consensus. Et il continue à établir les preuves du consensus à ce sujet, maintenant en mentionnant après la mention des paroles des sahaba, il va commencer à mentionner les paroles des imams parmi les quatre imams des madahib. Et là, on n'est pas encore rendu là, mais inshallah on va y arriver. Donc le cheikh, il continue dans l'explication de l'interdiction d'imiter les kuffars. Il dit wa qad thabata an Aisha, c'est Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت لا تشبهوا باليهود وهكذا رواه بهذا اللفظ سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات وروى سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن ابن ذؤيب قال دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة فنظر إلى شرفات فخرج إلى موضع فصلى فيه ثم قال لصاحب المسجد إني رأيت في مسجدك هذا يعني إني رأيت في مسجدك هذا يعني الشرفات فشبهتها بأنصاب الجاهلية فمر بها فتكسر. وروى سعيد أيضا عن ابن مسعود أنه كان يكره الصلاة في الطاق وقال إنه من الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب. وعن عبيد ابن أبي الجعد قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد يعني الطاقات. Donc le cheikh, il mentionne des paroles maintenant de certains d'entre les sahaba, et il commence en premier par une parole de Aisha رضي الله عنها qui mentionne que elle détestait al-ikhtisar fi salat, c'est-à-dire yani de mettre les mains sur les hanches pendant la salat, yani wad'u al-yad 'ala al-khasira. Et elle a dit ne ressemblez pas ou n'imitez pas les juifs. Donc ça, c'est une narration qui prouve, encore une fois, que les sahaba, ils détestaient qu'on imite les kuffars. Et ici, elle donne, Aisha radiallahu anha a donné un exemple à ce sujet-là. Un autre exemple aussi, parmi les narrations que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a mentionné, c'est la parole de Ibn Omar radiallahu anhu, lorsqu'il est rentré dans une mosquée à Juhfa, un endroit qui s'appelle Al-Juhfa. Et il a trouvé à cet endroit-là, yani, il a trouvé des choses qui ont été placées dans la mosquée, et il a trouvé que ça ressemblait à des, comme des tombeaux, hein, ou des choses comme, il y avait comme des constructions qui ont été faites dans la mosquée, comme des décorations, et que il a trouvé que ça ressemblait aux ansab de la Jahiliya, comme les idoles de la Jahiliya. Donc quand il est rentré dans la mosquée, il a trouvé ces choses-là, et il est sorti dehors, puis il a prié dehors au lieu de prier à l'intérieur de la mosquée. Et il a dit à la personne qui s'occupait de la mosquée, lorsque j'ai vu dans ta mosquée ce genre de, hein, de choses que tu as mis, ces décorations qui ressemblent à des idoles de la Jahiliya, comme les pierres ou les trucs que les mouchriquines adoraient, eh bien, il a dit à cet homme qui s'occupait de la mosquée de les détruire et de les casser. Il a également rapporté une autre narration selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, que Ibn Mas'ud détestait de prier dans At-Taq. Il a dit que ça vient des églises, hein? Il a dit ne ressemblait pas aux gens du livre. Et At-Taq, si on l'explique aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'est-ce que les gens d'aujourd'hui appellent Al-Mihrab. Al-Mihrab, je ne sais pas si yani, tout le monde est familier avec qu'est-ce que c'est. C'est dans certaines mosquées, dans les pays musulmans, même dans les pays non musulmans, maintenant ils font ça aussi, pour imiter justement qu'est-ce qui se fait dans les pays musulmans. C'est que vous allez voir que dans le mur, dans le premier rang, là où l'imam se tient, il y a comme un creux dans le mur, à l'endroit où se tient l'imam. Et ils appellent ça At-Taq. Ils appellent aussi Al-Mihrab. Et les salafs, ils détestaient ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa mosquée, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de Mihrab, il n'y avait pas de Taq. Hein? Il n'y avait pas de trou dans le mur ou de creux dans le mur. Et souvent, même cette chose-là qu'ils fabriquent dans le mur, ça coûte très cher à faire. C'est une des pièces de la mosquée qui est très, très chère à construire. Et ça fait partie des imitations des chrétiens. Et c'est pour cette raison-là que les salafs, ils détestaient ça. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il détestait prier dans ce genre de choses. Et il disait que c'est quelque chose qui est tiré des églises ou qui venait des églises, des chrétiens. Et il disait, ne ressemblait pas aux gens du livre. Il dit de même que il a été rapporté, selon Ubayd ibn Abil Ja'd, il dit que les compagnons du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, disaient que parmi les signes de l'heure, du jugement dernier, c'est que on va prendre ce genre de choses dans les mosquées. On va créer ce genre de choses dans les mosquées, c'est-à-dire les endroits où les gens, l'endroit où l'imam se place à l'intérieur d'un trou devant de la mosquée. Je ne sais pas comment on appelle le mihrab en français. Mais je pense que vous comprenez qu'est-ce que je suis en train d'expliquer, Annie. Le creux dans lequel l'imam rentre dans les mosquées, dans la plupart des mosquées maintenant, lorsqu'il dirige la prière, il rentre dans un genre de creux dans le mur. Il a comme une niche, comme tu dis. Hein, la niche. Allah musta'an. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, وَقَوْلُهُ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَرِهَتَ الْإِخْتِصَارَ فِي الصَّلَةِ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاسِرَةِ أي على أسفل الجنب. وهذا فعل تعمله اليهود. أما السنة في الصلاة فهي أن يخبض المصلي اليد اليسرى بالكف اليمنى ويضعهما تحت صدره. ولا يضع يده يعني على خاصرته لأن هذا من التشبه باليهود. Donc le cheikh, il dit, il a été rapporté selon Aïcha radiallahu anha qu'elle détestait l'ikhtisar dans la salat. Et l'ikhtisar, elle fait l'allusion ici au fait de mettre les mains sur les hanches pendant qu'on prie. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique que ça, c'est ce que faisaient les juifs. Et dans la sunna, quand on prie, quand on fait la salat, qu'est-ce qui a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de placer la main droite sur la main gauche sous la poitrine. Hein? C'est ça la position dans laquelle on doit placer les mains. Hein? C'est ça la sunna. Donc on ne place pas les mains sur le côté, on passe pas les mains sur les hanches, on ne place pas les mains en dessous du nombril, on place les mains sous la poitrine, la main droite sur la main gauche. Et le fait de mettre les mains sur les hanches ou sur les côtés, ça c'est l'imitation des juifs. Il est rapporté également selon Ibn Omar, hein, il dit que Ibn Omar est rentré dans une mosquée, hein, il dit Ibn Omar dakhala fi masjidin bil juhfa fa nazara ila ash-shurufat, yani al-juhfa miqat, miqat ahli ash-sham wa hiya qarya, hein, qaryatun khariba, يعني قريبة من رابغ. وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام يحرمون منها. ومن جاء عن طريق الساحل إذا أراد الحج أو العمرة وفي المسجد الذي فيها ودخله ابن عمر شرفات أو شرافات. شرافات وهي ما يجعل على الرؤوس على رؤوس الجدران من التزيين والزخرفة فخرج وصلى خارج المسجد وذلك لأنه شبهها بأنصاب الجاهلية فإن الجاهلية كانوا ينصبون حجارة ويذبحون عندها أو عليها يعني ونحن منهيون عن التشبه بهم. Donc le cheikh il explique que Ibn Omar radiyallahu anhu, il est allé dans un endroit qui s'appelle Al-Juhfa, et c'est Al-Juhfa fait partie des cinq miqat, parmi les endroits à partir desquels on rentre en état d'ihram lorsqu'on va pour faire le hajj ou la umrah. Donc parmi les cinq miqats, il y a le miqat de Médine qui est Zul Hulaifa, il y a le miqat des gens de la Syrie, hein, et ceux qui viennent de la côte qui s'appelle Al-Juhfa, c'est de cet endroit-là dont il s'agit maintenant, et il y a un autre miqat pour les gens de l'Irak. Et je pense que c'est Zat Arq ou quelque chose comme ça. Il y a un autre miqat qui s'appelle Yalamlam, et il y a un autre miqat également, un cinquième, et là il me vient plus à l'esprit, mais bon, il y en a cinq. Et l'endroit dont on parle dans la narration de Ibn Omar ici, c'est Al-Juhfa. Donc ça fait partie des miqat, et c'est le miqat des gens de la Syrie. Et c'est près d'un endroit qui s'appelle Rabir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a établi comme lieu duquel on part pour mettre l'ihram et pour rentrer en état d'ihram lorsqu'on vient pour faire le hajj ou l'umrah. Et c'est sur la côte. C'est sur la côte près de la mer Rouge. Et il y avait une mosquée à cet endroit-là où Ibn Omar est rentré, et il a trouvé que il y avait des shurufat, hein, sur les murs. C'était comme des genres de pierres dressées sur le haut des murs pour décoration et embellissement. Et Ibn Omar, quand il a vu ça, il est sorti de la mosquée, il a prié dehors parce qu'il a trouvé que ces pierres-là ressemblaient aux pierres dressé que les mouchriquins dans la djahiliya adoraient et sur lesquels ils faisaient les sacrifices pour leurs idoles comme des petits autels, hein. Et donc quand il a vu ça, il a pas aimé ça et il a ordonné de les détruire et il a expliqué que on n'a pas le droit donc d'imiter les mouchriquins, hein, dans la façon dont on embellit les mosquées et comment on construit les mosquées. Le cheikh il a dit également par la suite wa hadha al-hadith dalilun 'ala an-nahy 'an at-tashabbuh bil-kuffar 'umuman sawa akanu yahudan aw nasara aw majusan ou a'ajim, ou mushrikin, ou miyin, ou ghayri dhalik. Il dit que dans ce hadith, il y a la preuve de l'interdiction de ressembler et d'imiter les kuffars de façon générale, peu importe que ce soit des juifs, ou des chrétiens, ou des majus, hein, des zoroastriens, ou mazdéens, ou peu importe que ce soit des arabes, ou des non-arabes, des arabes mushrikin, ou des non-arabes, mushrikin, peu importe. Yani, on n'a pas le droit d'imiter les kuffars de façon générale. Il dit wa fihi aydan tanbihun 'ala al-man' min zakhrafat al-masajid bil-shurufat wa bil-asbagh wa ghayr dhalika fa inna al-masajid innama shuri'at lil-ibadati wa laysat liz-zinati wal-mubaha. Donc le cheikh il dit également parmi les choses qui sont indiquées c'est l'interdiction d'embellir les mosquées, hein, par ce genre de construction, de pierres dressées, ou bien par toutes sortes de peintures de différentes couleurs. Il dit parce que les mosquées n'ont pas été construites pour l'embellissement, mais elles ont été construites pour l'adoration, hein, non pas pour éblouir les gens ou pour les parures et les embellissements. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, souvent. Quand ils veulent faire construire une mosquée, ils essaient juste de dire « Oh, on va créer la plus belle mosquée, on va mettre plein de décorations, des mosaïques, hein, avec des pierres de toutes les couleurs, puis des lampions ou bien des lampes accrochées avec des lustres au plafond et plein de belles calligraphies sur les murs, hein, et les gens des fois ils se basent comme sur les grandes mosquées qui sont construites dans les pays musulmans comme à La Mecque et à Médine et ils prennent ça comme exemple. Alors que la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son époque, elle n'était pas comme ça. Hein? La mosquée à Mecca, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il n'y avait aucune décoration dedans. C'était le bâtiment le plus modeste et le plus simple qui soit. Hein? Et malgré ça, quand on constate et quand on regarde la différence de ce qui est sorti de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme adoration, comme bonne action, comme da'wah, comme enseignement, comme éducation, comme lumière, tout ce qui en a été dégagé, et qu'est-ce qui dégage de nos mosquées aujourd'hui, on voit tout de suite la différence. Hein? Dans le sens que eux, les salafs, ils ne se préoccupaient pas de faire des décorations et d'embellir l'intérieur des mosquées, mais plutôt ils embellissaient, ils décoraient l'intérieur de leur âme par l'adoration, en faisant la lecture du Coran, en faisant la salat, en enseignant l'islam, en clarifiant les principes de la religion, en ordonnant le bien, en interdisant le mal, en donnant le bon conseil, en appliquant les principes de la religion, et non pas en faisant des concours de décoration des mosquées. Donc, des fois, on essaie de faire des décorations, c'est comme si on essaie de combler, hein, notre manque. Hein, c'est comme si on essaie de combler le manque qu'on a par rapport à notre intérieur en essayant d'embellir l'extérieur. Et c'est pas ça qui fait en sorte que on a plus raison et qu'on est plus accroché à la vérité. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, le Cheikh il dit Warawa Sa'idun Sa'id Aydan An ibn Mas'ud Annahu yakrahu salata fit taq Wat taq Huwa al mihrab Alladhi yakunu Fi qiblat al masjid لأن الصلاة فيه فعل اليهود في كنائسهم فنحن منهيون أن نصلي في الطاق لأمرين أولا لأن هذا فيه تشبه باليهود وثانيا أنه إذا صلى داخل الطاق فإنه لا يراه المأمومون حتى يقتدوا به أما اتخاذ المحراب نفسه فإنه لم يكن معروفا في الزمان الأول وإنما اتخذ فيما بعد علامة على القبلة لأن من دخل المسجد الذي ليس فيه محراب لن يعرف القبلة لا سيما إذا دخله ليلا لكن الواجب أن لا يبالغ في زخرفته ونقشه أو الكتابة عليه وأن لا يضخم وإنما يجعل بقدر ما هو علامة أو علامة على القبلة فقط وتكره الصلاة داخله إلا عند الحاجة. Donc le Cheikh il dit qu'il a été également rapporté selon Ibn Mas'ud qu'il détestait qu'on fasse la salat dans At-Taq. Et il parle ici de qu'est-ce que tu as mentionné comme étant la niche de l'imam, là où il se tient. Dans. Il dit c'est l'endroit qui est creux dans le mur de la mosquée, là où il y a la direction de la Qibla. Hein? Et les imams, ils prient souvent dans ces endroits-là, là où il y a un creux dans le mur. Et le Cheikh, il dit c'est ça que les salafs détestaient parce qu'ils ont dit que ça c'était une imitation des juifs. Hein, ou des chrétiens aussi, la façon dont ils ont fait les autels dans les églises ou dans les temples. Et ça, donc, ça c'est interdit de prier dans cet endroit-là. Il y a deux raisons que le cheikh il a mentionné pourquoi c'est interdit. Premièrement, il a dit parce qu'il y a dans ça une imitation des juifs. Et deuxièmement, parce que le fait de prier à l'intérieur de cette entrée-là, dans le mur, eh bien, ça fait en sorte que les gens qui sont derrière, ils ne voient pas l'imam. Donc ils ne peuvent pas le suivre et prendre son exemple dans la salat parce qu'ils ne le voient pas, il est à l'intérieur du mur. Et donc, il dit, en ce qui concerne le fait de construire un mihrab en soi et de fabriquer cette entrée-là ou ce creux-là dans le mur, dans la mosquée, il dit que ça n'existait pas dans les premiers temps de l'islam. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa mosquée, il n'y avait pas de creux dans le devant de la mosquée pour qu'il prie à l'intérieur, comme on le trouve maintenant dans les mosquées, dans beaucoup de, même maintenant, presque partout. Sauf que le cheikh, il dit, c'est devenu par la suite un signe qui indique la direction de la Qibla. Il dit que si quelqu'un rentre dans la mosquée, par exemple, la nuit, et qu'il n'y a pas de mihrab, il n'y a pas ce creux-là dans le mur, il dit peut-être que les gens ne vont pas savoir la direction de la prière. Hein? Donc il dit, surtout si quelqu'un rentre dans la mosquée pendant la nuit et qu'il ne connaît pas les directions, donc il ne va pas savoir par où se diriger pour prier. Hein? Toutefois, bon, c'est sûr qu'il y a toujours d'autres moyens par lesquels on pourrait savoir hein, la direction de la Qibla. Mais bon, ça c'est une des raisons que le cheikh a mentionné. Et il dit, si jamais on fait le mihrab, il faut toutefois ne pas exagérer dans sa construction en faisant trop de décorations et d'embellissements ou d'écritures dessus. Et pas non plus le faire trop gros, hein, le faire trop grand, le mihrab. Mais tu le mets selon la nécessité et selon le fait que ce sera un signe pour indiquer la direction de la Qibla, c'est tout. Hein? Pas plus que ça. Il dit وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ دَخِلَهُ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ. Il est détestable de prier à l'intérieur de cet endroit-là, excepté lorsqu'il y a un besoin ou s'il y a un besoin. Le cheikh il dit ensuite وَقَوْلُهُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَن تُتَّخَذَ الْمَذَابِحُ فِي الْمَسْجِدِ أي أن تعمل المحاريب في المسجد على شكل ما تتخذه اليهود في كنائسهم. وأما إذا اتخذ المحراب من غير مشابهة المذابح مذابح اليهود فلا بأس به للحاجة كما ذكرنا سابقا. Donc il dit, le cheikh il dit que parmi les signes de l'approche de l'heure du jugement dernier, parmi les signes qui indiquent que l'heure du jugement est proche, il y a le fait que on va mettre des autels dans les mosquées. L'autel, en voulant dire l'endroit où on fait les sacrifices, comme chez les juifs, ils ont un autel, et dans les églises aussi, ils ont un autel à l'avant de leurs églises pour faire leur sacrifice. Et ça, c'est pas permis de faire ça dans les mosquées. Donc, de faire ce genre de choses-là, c'est pas permis. Et il dit donc, le cheikh, si on prend un mihrab, comme on a dit, l'entrée ou le creux dans le devant de la mosquée, si on le fait pas de la même manière que les juifs, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal si c'est pour un besoin. Comme on l'a expliqué. Il dit ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها في مظنة الاشتهار وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضعها وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل فعلم اتفاقهم على كراهية التشبه بالكفار والأعاجم. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on a mentionné à ce sujet des paroles des sahaba? Il y en a beaucoup d'exemples. Ça, c'est juste une partie. Et il dit, les questions qu'on a mentionnées en particulier, certaines d'entre elles sont très célèbres, très connues. Et on n'a jamais entendu d'aucun d'entre les sahaba. Quelqu'un qui aurait contredit dans ce qu'on a mentionné des sahaba à propos du fait qu'ils détestaient le fait d'imiter les kuffars et les mushrikines de façon générale. Même si dans certaines des questions qu'on a mentionnées, il y a des divergences et il y a des différentes interprétations. Donc, et il dit, c'est pas maintenant la place d'en parler et de rentrer dans les détails de ces divergences-là. Parce que le but, c'est pas ça ici. Le but, c'est seulement d'établir la preuve que les sahaba ont accepté ce principe-là comme étant un principe fondamental de l'islam, que en islam, le musulman, il ne doit pas imiter les kuffars de façon générale. Et il dit que ils sont tous d'accord sur le fait de suivre le Coran et la Sunna, même si certains peuvent être en divergence sur certaines questions à cause d'une différence de compréhension des textes et d'interprétation des textes. Mais par contre, on sait qu'ils sont tous d'accord sur le fait qu'il est interdit d'imiter les kuffars de façon générale. Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage-là qu'on vient juste de traduire. Il dit, قوله وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة من الأمور المجمع عليها تحريم التشبه بالكفار وقد ذكر الشيخ أن هذا من ثلاثة وجوه. الأول ما ورد عن الخلفاء الراشدين كعمر بن الخطاب في شروط أهل الذمة وما تعاقب عليه الأئمة من العمل بشروطه رضي الله عنه. Donc en ce qui concerne les paroles au sujet de l'interdiction d'imiter les kuffars. Il y en a plein de paroles à ce sujet-là chez les sahaba. Parmi ces choses-là, il faut comprendre donc que, à partir de ça, que c'est une chose sur laquelle tous les savants sont d'accord. En commençant par les sahaba, qu'il est interdit d'imiter les kuffars. De façon générale, dans la religion, dans la croyance, dans les pratiques, dans la façon de vivre de façon générale. Et ça, c'est établi de trois points de vue, de trois façons. Et c'est ça ce qu'on a expliqué depuis. Et c'est ça que le cheikh il résume maintenant, parce qu'on arrive à la fin de cette section. Donc il dit, premièrement, il dit ce qui a été rapporté des quatre Khulafa Rashidin. En commençant par Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il a établi les conditions pour les juifs et les chrétiens qui vivent dans les pays musulmans et les conditions qu'ils doivent respecter pour continuer à pratiquer leur religion dans les pays musulmans. D'accord ? Donc, ça, dans ces conditions-là, il y a des règles qui indiquent qu'ils ne peuvent pas s'habiller ou être, imiter les musulmans. Et ça, ça a été accepté et appliqué par tous les imams par la suite. Ils ont tous appliqué les conditions de Omar ibn al-Khattab par la suite. Donc il y a un ijma' sur ça. Après, il dit وَالثَّانِي مَا ثَبَتَ عَنْ أَفْرَادِ الصَّحَابَةِ وَذُكِرَ جُمْلَةٌ مِنْ ذَلِكَ فَالْحَاصِلُ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْآثَارُ أَوْ الْمَرْوِيَاتُ قَدْ حَصَلَ فِيهَا الْخِلَافُ أَوْ تَأْوِيلُ لكن في الجملة كلها اتفقت أو اتفقت على النهي عن التشبه بالكفار أما كونها فيها احتمال أو نظر لبعض العلماء فهذا ليس هو المقصود الآن وإنما المقصود هو أخذ المسألة التي نحن بصددها وهي منع التشبه بالكفار في الجملة. Donc il dit, le deuxième point c'est le fait qu'il a été rapporté l'interdiction d'imiter les kuffars de plusieurs d'entre les sahaba de façon individuelle. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et de façon donc générale, cela a été rapporté de plusieurs d'entre les sahaba, même si dans certaines des narrations qu'on a citées, il y a parfois des divergences ou des différences d'interprétation. Mais en général, de façon générale, ils sont tous d'accord sur l'interdiction d'imiter hein, les kuffars. Et si dans certaines questions ou sur certains points, il y a des possibilités d'interpréter ça de façon différente ou différents points de vue de la part de certains d'entre les ulama, c'est pas ça l'objectif et le but ici. Le cheikh dit qu'est-ce qui est voulu plutôt ici, c'est d'expliquer uniquement le point général de l'interdiction d'imiter les kuffars. Il dit wa qawluhu wa hadha kama annahum mujmi'un ala ittiba' al-kitab was-sunnah yani an al-ulama muttafiqun ala al-'amal bil-kitab was-sunnah wa in kanu mukhtalifin fi ba'd al-masa'il wat-tafri'at fa hadha la ya'ti ala al-usul ala al-asl al-muttafaq alayhi. وكذلك هذه الآثار فإنها تدل على تدل في جملتها على منع التشبه بغير المسلمين وإن كان قد يحصل في بعض الأمور خلاف أو تأويل والوجه الثالث سيذكره. Donc le cheikh il dit ils sont tous d'accord sur le principe qu'il faut suivre le Coran et la Sunna, c'est-à-dire les ulama sont tous d'accord sur le fait qu'il faut appliquer le Coran et la Sunna même s'ils divergent sur certaines questions et sur certains détails. Hein? Donc ça, ça ne vient pas en contradiction avec le fondement sur lequel ils sont tous d'accord et sur les narrations qui indiquent de façon générale l'interdiction d'imiter les non-musulmans. Et même si c'est possible qu'il y ait dans certaines questions des divergences ou des différences d'interprétation. Et le troisième point parmi les points que le cheikh a expliqué, c'est qu'est-ce qu'il va mentionner par la suite, et c'est le point suivant. Il dit le cheikh al-wajh al-thalith fi taqrir al-ijma' ma dhakarahu 'ammatu 'ulama al-islam min al-mutaqaddimin wal-a'immat al-matbu'in wa ashab wa ashabihim fi ta'lil an-nahy عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم وهو أكثر من أن يمكن استقصاءه وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم والأمر بمخالفتهم وأنا أذكر من ذلك نكتا لمذاهب الأئمة المتبوعين اليوم مع ما تقدم في أثناء الكلام من غير واحد من العلماء فمن ذلك أن الأصل المستقر عليه في مذهب أبي حنيفة تأخير الصلاة أفضل من تعجيلها إلا في مواضع يستثنونها كاستثناء يوم الغيم وكتعجيل الظهر في الشتاء وإن كان غيرهم من العلماء يقول إن الأصل أن التعجيل أفضل فيستحبون تأخير الفجر والعصر والعشاء والظهر إلا في الشتاء في غير الغيم ثم قالوا يستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود وهذا أيضا قول سائر الأئمة وهذه العلة منصوصة كما تقدم وقالوا أيضا يكره السجود في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره وفيه آثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود وغيره. Donc on va traduire maintenant ce point. Le cheikh il dit que le point numéro 3 c'est d'établir le consensus de ce qu'on a mentionné que les ulama de l'islam de façon générale parmi les anciens et les imams qui sont suivis les quatre imams comme Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad et les grands imams de l'islam ainsi que ceux qui ont été avec eux, leurs compagnons ils ont tous mentionné comme raison de l'interdiction de certaines choses parfois ils mentionnent comme raison de l'interdiction de certaines actions ou certaines choses le fait que c'est pour contredire les kuffars ou de contredire les chrétiens ou de contredire les mushrikins de façon générale et ça c'est plus nombreux que qu'on puisse le calculer ou le compter. C'est-à-dire, il y a plein d'exemples de ça dans les paroles des grands imams et des ulama. Et il dit, n'importe quelle personne qui a le moindre connaissance dans le fiqh et qui a étudié un peu le fiqh et qui a lu les livres des ulama dans le fiqh, il va avoir été en contact avec une partie de ces paroles-là des ulama. Et il dit, et après avoir réfléchi et médité sur ces paroles-là, il va en tirer la science de la science qui est certaine et qui est nécessaire que les imams de l'islam ont tous été d'accord sur l'interdiction de ressembler ou d'imiter les kuffars et les mushrikins et également de l'ordre de les contredire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait de les contredire et de se distinguer d'eux et il dit je vais vous mentionner certaines des paroles des imams des madhahib qui sont suivis aujourd'hui le madhhab al-hanafi al-maliki al-shafi'i al-hanbali les quatre grandes écoles de fiqh qui sont connus jusqu'à notre époque. Depuis l'époque d'Ibn Taymiyyah, ils étaient connus aussi. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont connus aussi. Et il dit, مَعَمَا تَقَدَّمَا فِي أَثْنَاءَ الْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ En plus de ce qui a déjà précédé, pendant l'explication, des paroles de plusieurs d'entre les ulama. Et parmi les exemples de ça, il est établi, il commence à donner des exemples par le madhab al-Hanafi. Parce que historiquement, donc si on regarde dans l'histoire de façon chronologique, le plus ancien des madhabs, c'est le madhab parmi les quatre, c'est le madhab al-Hanafi. Madhab Hanafi. Le madhab al-Hanafi, c'est une école de fiqh qui est attribuée à Abu Hanifa. Je pense que son nom c'est An-Nu'man ibn Bashir. Et cette école-là, elle est suivie dans beaucoup de pays d'Asie. Parmi ces pays, par exemple, on retrouve des gens en Turquie et un peu en Syrie aussi, qui sont Hanafis. Au Pakistan, en Inde, et yani, hein, c'est possible, oui, aussi peut-être. Mais ça, c'est les pays qui sont les plus connus comme étant ayant les populations qui suivent le plus ce madhab, cette école de fiqh. Donc la Turquie, le Pakistan, l'Inde, ça c'est les pays où il y a le plus, disons, de Ahnaf. Hein? Et donc le cheikh, il commence en citant des exemples de ce madhab. Il dit que yani, selon le madhab, un des fondements dans le madhab de Abu Hanifa, c'est que de retarder la prière, c'est mieux pour eux, excepté dans certains moments qu'il mentionne comme exception, comme les jours de pluie ou les jours nuageux, ou les jours de la prière de Dhuhr en hiver, lorsque c'est l'hiver. Même si d'autres parmi les ulama disent que à la base, la règle de base dans cette question, c'est que c'est mieux de prier plus tôt, de faire la prière plus tôt dans le temps, et pas de retarder la prière. Donc, eux, les Ahnaf, les gens du madhab de Abu Hanifa, ils préfèrent retarder le Fajr, retarder le Asr. C'est pour ça que quand vous allez prier dans les mosquées à Montréal, où les gens viennent de ces pays-là, où ils sont Ahnaf, les mosquées où les responsables sont des Pakistanais, ou des gens du Bangladesh, ou des gens de la Turquie, vous allez remarquer que la prière de Fajr, ils la font plus tard que dans les autres mosquées. Et aussi la prière de Asr, ils la font peut-être des fois une heure plus tard. Hein? La plupart des mosquées, l'Asr, ils prient à 5h, 5h15. Hein? Les mosquées des Ahnaf, ils le font à 6h, 6h30. Hein? Parce que dans leur madhab, c'est comme ça, ils aiment retarder la prière. Hein? N'est-ce pas, Mokhtar? Mokhtar, il a prié souvent là-bas. Donc, il est au courant de ça. Et c'est pour dire, alors qu'à la base, la sunna, c'est de prier au début du temps, non pas de retarder. Sauf que, par exemple, le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ici, il dit donc qu'eux, ils aiment retarder le Fajr, le Asr, le Isha, le Dhuhr, excepté l'hiver, hein, et quand il n'y a pas de nuages. Et ils disent, sauf le Maghreb, c'est recommandé de le faire plus tôt. Parce que de le retarder, c'est détestable, parce qu'il y a dans ça une ressemblance aux Juifs. Et donc, Ibn Taymiyyah, il cite cet exemple-là pour montrer un des exemples, comment les imams des madahib, ils ont également mentionné des verdicts de la charia, et ils les ont rattachés à la raison de l'interdiction, ou la raison du verdict a été rattachée à le fait qu'il est interdit d'imiter et de ressembler aux koufars, comme par exemple ici l'exemple de retarder le Maghreb, et que le fait de retarder le Maghreb, c'est détestable parce qu'il y a une ressemblance aux Juifs dans ça. Wahada, hein, il dit, et ça c'est la parole de d'autres parmi les imams également. Et la raison pour laquelle on mentionne que c'est détestable, comme il l'a dit ici, c'est le fait que c'est une ressemblance avec les Juifs. Il dit également, le cheikh, qu'il est rapporté également chez les Ahnaf qu'il est détestable de faire le sujoud dans At-Taq. Et on a dit tout à l'heure que At-Taq, c'est Al-Mihrab, le creux qui est fait dans certaines mosquées, dans lequel l'imam se tient pour faire la prière. Ils ont détesté ça, parce que c'est contraire à... Hein, c'est, ils ont dit que ça, c'est un exemple de l'imitation des gens du livre, des chrétiens et des juifs. Hein, de désigner un endroit particulier pour l'imam, pour qu'il se tienne dans la prière, que ça, ça fait partie des imitations des gens du livre. Hein, بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق. Contrairement à si son, sa prosternation est dans الطاق. Et il dit que وهذا أيضا ظاهر ظاهر مذهب أحمد وغيره وفيه آثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود وغيره. Donc ça c'est le madhhab également de l'imam Ahmad et d'autres, et il y a des narrations authentiques qui ont été rapportées des sahaba comme Ibn Mas'ud et d'autres à ce sujet-là. Donc on va s'arrêter ici parce qu'on n'a pas le temps de lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan sur ça, mais le prochain cours inchallah on va tout de suite commencer avec l'explication de Cheikh Al-Fawzan qui résume et qui simplifie un peu ces points-là. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.